Dieu donne son meilleur, le meilleur de lui-même, les meilleures choses que les meilleurs il Jamais il ne révèle, ni n'expose sa souffrance. Dieu endure, attend en silence. Ni froid, ni tiède, aucun signe de faiblesse. L'amour et l'essence de Dieu sont toujours altruistes. Dieu donne son meilleur, le meilleur de lui-même, les meilleures choses que les meilleurs il donne. Pour l'humanité, il souffre, supporte en silence il dort. Il donne son meilleur. Jamais il ne révèle, ni n'expose sa souffrance. Dieu endure, attend en silence. C'est là l'expression de son essence, de son tempérament, de qui il est vraiment, le créateur de toutes choses. Dieu donne son meilleur, en silence il donne. Dieu donne son meilleur.